Avant-dernière doublette de l'émission de ce soir, Eucharist, ça nous vient de Suède. À l'origine, historiquement, Eucharist nous proposait du death metal. Hein, pour rappel, c'est des contemporains des gros noms du metal death suédois tels que At the Gates. Par la suite, ils ont évolué vers quelque chose de plus black mélodique, voilà, après le gros split entre 97 et 2022. Parce que voilà, 2022, c'est le retour en plus en studio de Eucharist avec ce seulement troisième album studio. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il s'intitule I Am The Void, une sortie Regen Record. Putain, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait rien diffusé de chez eux. Et en doublette avec Eucharist, des rares nouveautés de ce soir, Aluna, ça nous vient du Royaume-Uni, c'est du Doomstoner. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est également un projet porté par une vocaliste, voilà, qui tient aussi la gratte. D'ailleurs, c'est le, comment dire, le groupe porte le nom de la chanteuse, hein, au passage. Strange Machine, c'est le nom de leur sixième effort studio. Voilà, ça permet de respirer dans cette fin d'émission qui est ultra brutale. Sinon, Vastland of Eternal, c'est le titre de Eucharist. Strange Machine, le titre de l'album pour Aluna qu'on s'écoute tout de suite. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission Hellbanger de ce soir. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Rendez-vous dimanche prochain pour une émission de nouveau en différé de 21h à 23h. Et on va se quitter avec une dernière doublette, Brutal Slam Death, hein, tout simplement, avec la dernière nouveauté de l'émission de ce soir, le groupe portugais Analepsy, qui sort son second album Quiescence après de fort nombreux remous en termes de line-up ces dernières années, hein. C'est simple, tout le monde a quitté le navire sauf un, le membre fondateur, Marco, fait pas semblant, hein. Marco Martins, guitariste fondateur de Analepsy, et ce nouvel album est dispo chez toujours Miasma Records. Et en doublette avec Analepsy, Pediatrician, groupe hongrois de Budapest, pareil, qui nous fait du Brutal Slam Death Grindcore. Postpartum Depression, voilà, un thème plutôt original dans le style abordé avec maintes détails. Une sortie Valtepse Records, on s'écoutera le titre Pandémique, et juste avant ça, Analepsy, Fracturated Continuum, et Analepsy sur ce nouvel album. Ma foi, tant pas mal vers ce qu'a pu nous proposer Wormd tout au long de leur discographie. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. À dimanche prochain. Ciao, ciao.